Troisième fragment sonore, essai de dialogue devant la porte d'un immeuble des grands boulevards. Pour les décibels, ça si, non. Si. Ça m'étonne pas. C'est qu'il y en a, hein, ici. Il y en a, oui. Oh là, moi, j'habite là, donc, ouais, mais ça me rend malade. Là, après, là. Ça me rend malade. Ah. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes isolé? Vous avez... Oh, ben, on a mis des doubles vitres. C'est tellement puissant que ça ne me sert à rien. Ça vous sert à rien, les doubles vitres? Ouais. Non, ça ne me sert à rien. C'est trop puissant, là. Ouais. Oui, c'est bien pour les décibels. Hein? C'est bien pour les décibels. Ah. Oui. C'est ouvert, cette affaire-là, là. Elle est courageuse aussi. Parce que, ouais, particulièrement difficile. Ouais. Ah parce oui. Là, il est... Ah oui, alors. C'est dans les entrées, on s'entend bien parler, par contre. Hein? Dans les entrées, on s'entend bien parler. Ça va. Mais vous êtes plutôt entrées. Derrière, alors, non vous... Non, vous non, non. Devant aussi. Là, moi, je ma salle de séjour dans la rue, j'en parle. Ah, oui. Et ma cuisine dans la cour, j'en parle. On est tous sur le bar, là. Par il y a contre, des graisseurs. Ici, vous avez tout, là. Ah, oh, ben, c'est ceux qui sont là devant. Moi, je suis là-bas sur le bar, à côté du graisseur. Ouais. Ben, c'est infernal, là. Je sais pas ce qu'il faut faire. On est là. Hein? Enlever les voitures. Ouais. Restez où, non, mais... C'est dur, hein. Depuis que je suis là, moi, alors, mais... Ah oui, ça s'est aggravé avec les années, là. Non, c'est-à-dire, j'habitais un peu plus loin, à l'autre carrefour. Ouais. Eh bien, il est moins violent que celui-là. Le carrefour qui est sur le cours Jean Jaurès, ouais. Là-bas. Ouais. Il y en a qui craignent plus que d'autres. Ben, il est plus violent que celui-là. Et ben, le non, celui-là, c'est le violent. Vous avez fait les poulets vite, vous l'avez fait? Oui, vous faites double, ça ne sert à rien. Ça part très vite. Et il y en a 400 contents. Oh, ouais. Je ne sais pas si ça va pas, parce que tout est monté, là. Ah, ouais. Oh, non. Parce que ça tourne tout là. C'est pas content cela. Mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Devenir sourd. Ah oui, devenir sourd, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Faut acheter des boules. Mais les boules, ça ne se rend pas quand même. Oh, bon. Oh, là.